sexy, vulgaire, la frontière où en es-tu ma chérie? Une image ou un bizutage ressaisi, c'est vous mes chéris. Être une femme, une dame, distinguée dame, m'appelle ma dame. On se fane, on s'affame, ressaisissons-nous mes chéris. Il te gère et ça te va ma chérie.